Chapitre 5e, l'appel du large. Les jeudis de Limoise, à la rage du soleil, quand tout dormait accablé dans la campagne silencieuse, j'avais pris l'habitude de grimper sur le vieux mur d'enceinte au fond du jardin et d'y rester longtemps, à califourchon, immobile à la même place, les touffes de lierre me montant jusqu'aux épaules. Comme du haut d'un observatoire, je contemplais la campagne chaude et morne, les bruyères, les bois et les légers voiles blancs du mirage, que l'extrême chaleur agitait sans cesse d'un petit mouvement tremblant de surface de lac. Ces horizons de la Limoise conservaient encore pour moi l'espèce de mystère d'inconnu que je leur avais prêté pendant les premiers étés de ma vie. La région un peu solitaire qu'on voyait du haut de ce mur, je me la représentais comme devant se continuer indéfiniment ainsi, par des landes et des bois, en vrai site de contrées primitives. J'avais beau très bien savoir à présent qu'au-delà se trouvait, comme ailleurs, des routes, des cultures et des villes, je réussissais à garder l'illusion de la sauvagerie de ces lointains. Du reste, pour mieux me tromper moi-même, j'avais soin de cacher, avec mes doigts repliés en longue vue, tout ce qui pouvait me gâter cet ensemble désert. Une vieille ferme là-bas, avec un coin de vigne labouré et un bout de chemin, et là, tout seul, distrait par rien dans ce silence plein de bourdonnements d'insectes, dirigeant toujours le creux de ma main vers les parties les plus agrestes d'alentour, j'arrivais très bien à me donner des impressions de pays exotiques et sauvages. Un certain jeudi soir, à la Limoise, tandis qu'arrivait l'heure inexorable de s'en aller, j'étais monté seul dans la grande chambre ancienne du premier étage où j'habitais. D'abord, je m'étais accoudé à la fenêtre ouverte pour regarder le soleil rouge de juillet s'abaisser au bout des champs pierreux et des landes à fougères, dans la direction de la mer, invisible et pourtant voisine. Toujours mélancolique, s'est couché le soleil sur la fin de mes jeudis. Puis, à la dernière minute avant le départ, une idée, que je n'avais jamais eue, me vint fureter dans cette vieille bibliothèque Louis XV qui était près de mon lit. Là, parmi les livres reliés d'un autre siècle, où les vers, jamais dérangés, versaient lentement des galeries, je trouvai un cahier en gros papier rude d'autrefois, et je l'ouvris distraitement. J'appris alors, avec un tressaillement d'émotion, que de midi à 4 heures du soir, le 20 juin 1813, par 110 degrés de longitude et 15 degrés de latitude australe, entre les tropiques par conséquent et dans les parages du grand océan, il faisait beau temps, belle mer, jolie brise de sud-est, qu'il y avait au ciel plusieurs de ces petits nuages blancs nommés Kutcha et que, le long du navire, des dorades passaient. Morts sans doute, depuis longtemps, ceux qui avaient noté ces formes fugitives de nuages et qui avaient regardé passer ces dorades. Ce cahier, je le compris, était un de ces registres appelés journaux de bord, que les marins tiennent chaque jour. Je ne m'en étonnais même pas comme d'une chose nouvelle, bien que n'en ayant encore jamais eu entre les mains. Mais c'était étrange et inattendu pour moi de pénétrer ainsi tout à coup dans l'intimité de ces aspects du ciel et de la mer, au milieu du grand océan, et à une date si précise d'une année si lointaine. Oh, voir cette mer belle et tranquille, ces Kutchas jetés sur l'immensité profonde de ce ciel bleu, et ces dorades rapides traversant les solitudes australes. Dans cette vie de marin, dans leur métier qui m'effrayait et qui m'était défendu, que de choses devaient être charmantes. Je ne l'avais jamais si bien senti que ce soir. Le souvenir inoubliable de ces petites lectures furtives a été cause que, pendant mes quarts à la mer, chaque fois qu'un timonier m'a signalé un passage de dorade, j'ai toujours tourné les yeux pour les regarder. Et toujours, j'ai trouvé une espèce de charme à noter ensuite l'incident sur le journal du bord, si peu différent de celui que ces marins de juin 1813 avaient tenu avant moi.